Si tu vois ma go, dis-lui que je go. Je go chez les watts, nous falla les dos. La galère du camère, toi-même tu know. Tu bolo, mais où sont les dos? Mon frère, je te jure, je suis fatigué. J'ai tout fait, j'ai tout dit pour chasser le gay. J'ai wash les voitures, il n'y avait pas moyo. J'ai tout mis, les chaussures, il n'y avait pas moyo. Le poisson, les chenilles, il n'y avait pas moyo. Alors je chatte que c'est trop, il faut que je go. Si tu vois ma go, dis-lui que je go. Je go chez les watts, nous falla les mousses. Si tu vois ma go, dis-lui que je go. Si tu vois ma go, dis-lui que je go. Si tu vois manga, dis-lui que je pars. La galère du camère, toi-même tu know. Tu bolo, mais où sont les dos? Le pater, la mater et les mbindires. On deny que je go, mais je go vitesse. Il ne faut pas qu'il know que j'ai envie de go. Je le veux seulement qu'il know quand je suis déjà go. Dès que je go, va le chat à tous les gars du quad, à toutes les go du quad, que ça gâte, ça gâte. Si tu vois ma go, dis-lui que je go. Si tu vois ma go, dis-lui que je go. Si tu vois ma go, si tu vois manga, dis-lui que je pars. Si tu vois ma go, quand tu sors chez la télé, tu vois que chez les watts, est-ce qu'on se fait même d'une guerre? Tout le monde est batte. Dès que je tombe là-bas, je hole un bolo, n'importe quel bolo qui peut me guider les dos. Promener le chien, moi je vais bolo. Laver les cadavres, moi je vais bolo. Même épouser les veuves, hein, moi je vais bolo. Fais quoi, j'aurai les deux. Fumban, fumbot, je vais go. Si tu vois ma go, dis-lui que je go. Je go chez les watts, nous falla les dos. La galère du camère, toi-même tu nous. Tu bolo, mais où sont les dos? Si tu vois ma go, dis-lui que je go. Dis-lui qu'il n'y a plus le ponda, de lui dire adieu. Parce que l'ego aime Joss, c'est le ponda qu'elle losse. Or le ponda, c'est les dos, il faut que je go. Entre les dos, si je go, et le ndolo de ma go. Je tiens le ndolo, mais sans les dos, y'a pas ndolo. Il nous faut les dos, il faut que je go. Si tu vois ma go, dis-lui que je go. Dis-lui qu'il n'y a pas de pète, je vais jamais la forget. Si tu vois ma go, dis-lui que je go. Je vais toujours Mimba qu'elle a un large débat. Si tu vois ma go, dis-lui que je go. Je vais te garder la sape, les sacs, les sacs. Si tu vois ma go, dis-lui que je go. On va faire comment? Le caméra les dents. Si tu vois ma go, dis-lui que je go. Et tout ce qui me pleure, et tout ce qui me pleure. À quelle heure? Si tu vois ma go, dis-lui que je go. Si tu vois ma go, si tu vois ma go, dis-lui que je tout. Si tu vois ma go, non, si tu vois la go, dis-lui que je tout. Si tu vois ma go, si tu vois ma go, dis-lui que je lance. Si tu vois ma go, si tu vois ma go, dis-lui que je nuance. Si tu vois ma go, si tu vois ma go, dis-lui que je trace. Si tu vois ma go, si tu vois ma go, dis-lui que c'est faux. Si tu vois ma go, si tu vois ma go, dis-lui que je peine. Si tu vois ma go, si tu vois ma go, dis-lui que je peine. Si tu vois ma go, si tu vois ma go, dis-lui que je lance. Si tu vois ma go, si tu vois